La vie meurtrière, chapitre 2, deuxième partie. J'avais presque oublié cet écrit. Le rappel de Darnac et sa forme concrète, en un papier que je tenais, changea le cours de mes divagations. J'échafaudais les plus sottes billes vesées. Je me figurais mon Tessac enthousiasmé. Je vis ma prose en tête du Parthénon, mon nom illustre, l'opinion remuée, qu'en sais-je enfin. Bien plus, j'imaginais des contradicteurs, des jaloux. Je pressentis même une correspondance aigre-douce à l'usage de quoi j'accumulais par avance les traits les plus acérés. De grands journaux mendiaient ma collaboration, je me faisais désirer, c'était la gloire. À ce train, les papillons noirs eurent retoffé de s'envoler. Remonté sur ma bête, j'envisageais l'avenir avec audace et résolu de parler haut à mon Tessac, de lui poser mes conditions et de ne pas souffrir une seconde qu'elles fussent discutées. Je répondis à Darnac et le remerciai, tout en promettant de l'aller voir, puis, deux ou trois jours après, me présentai au Parthénon, de l'air le plus nonchalant que je pus. Malgré que j'eusse fait en sorte d'arriver tôt, je posai une demi-heure parmi les garçons et l'emballage. J'en fus outré, mais mon Tessac, et dès le début, me coupa ma doléance aux lèvres d'un bref « Asseyez-vous, monsieur, j'ai peu de temps », qui me replongea du coup dans les abîmes du malheur. « Monsieur, continua-t-il, j'ai lu votre article, et pour être agréable tant à mon ami Darnac qu'à vous-même, je consens à le publier. » Je balbutiai quelques mots vagues qui se perdirent dans le bruit haussé de sa phrase. L'usage de la maison veut qu'un premier article ne se paye pas. C'est une manière d'essai dont le public reste juge. Si son verdict est favorable, je serai enchanté, monsieur, de continuer nos relations. Sommes-nous d'accord? Le sang me gicla aux tempes. Je me levai et, cherchant le mot qui, d'un seul coup, vengerait le désastre de mes illusions, je n'en trouvai qu'un. D'ailleurs, il m'échappa. Parfaitement. Alors, monsieur, je vous enverrai sous peu les épreuves. J'ai bien l'honneur de vous saluer. L'audience était finie. Je me retrouvai sur le pavé, tout déconfit et plein de pensées contradictoires. Mon Tessac m'avait roulé, je me l'imaginais, mais je ne lui en voulais pas tant qu'à moi-même. Furieux, je ne digérais pas l'idée de mon effondrement, et résolu de prendre une revanche éclatante. Pour n'y point tarder, je reconstituai la scène, la fille mentalement ce qu'elle aurait dû être, et, faute de contradicteur, la conduisis vite à mon avantage. Mon Tessac n'emmena pas large pendant un quart d'heure, et je m'offris sur son dos un petit triomphe, s'il n'en souffrit guère, du moins me soulagea. Cette exécution faite, mon aigreur s'atténua. Bientôt, par une pente naturelle et quelques désirs aidants, j'envisageai de plus gracieuses interprétations. J'étais roulé, soit, mais on ne roule pas tout le monde, et qu'un Montessac, directeur de revue et homme important, on eût pris la peine, prouvait beaucoup en ma faveur. Ainsi parti, je n'avais qu'à suivre. Ces conclusions étaient trop flatteuses pour que je ne m'y complusse. Je m'y cramponnai, grâce à quoi l'affaire prit un tour des plus avantageux. J'affirmai ce sens, si bien que peu de minutes après ma sortie, je muai l'accueil de mon Tessac en rondeur bonhomme. Ainsi restauré, je voulus passer chez Darnac. je le trouvai rentrant juste de l'hôpital et vis que j'avais oublié d'y aller moi-même. Je lui manifestai le plus d'amitié que je pus et lui contai ma version de l'entrevue. Il me félicita et me promit des suites argentées, ce dont j'acceptai l'assurance avec modestie. Après quoi seulement, je lui demandai des nouvelles de Jeanne. Elle se portait assez bien, et certaines complications graves semblaient définitivement écartées. Mais mon brin, l'interne, redoutait encore une fluxion de poitrine. Très anémié par le lit, il lui faudrait, une fois rentré chez elle, des soins assidus, et Darnac ne m'en cacha pas la difficulté. J'étais trop à mon succès pour n'être pas optimiste. J'affirmai que tout irait au mieux et poussai même jusqu'à railler Darnac et le plaisanter de ses peurs. Il me laissa dire, se contentant de hocher la tête. Grisé par ma nouvelle importance, j'étais devenu verbeux et ne mesurais plus mes paroles. Brusquement, à l'occasion de je ne sais quelle maladresse, il m'arrêta. Oh, « vous en parlez à votre aise, mon cher. Eh bien, je ne suis pas rassuré du tout, moi. » Darnac mit-il à ce « moi » quelque intention de reproche, je ne sais. Toujours est-il que je crus l'y percevoir, et ma faconde s'éteignit. Je tombai de ma suffisance avec aussi peu de retenue que j'en avais mise à mi-hausser, et fus même si pauvre en cette attitude que, par pitié sans doute, Darnac m'offrit de dîner avec lui. J'acceptai, nous finîmes la journée de compagnie, si bien qu'au dessert, je redevenais de sens normal. Je m'entretins dans cet état du mieux que je pus. Mais lorsque 3 jours plus tard je revins à l'hôpital, l'aspect de Jeanne me stupéfia. Sa figure était émaciée, ses traits tirés, et dans le mince visage où saillaient en rouge les pommettes, les yeux, si doux jadis, luisaient d'un feu singulier. Ma surprise ne lui échappa pas. Elle m'interpella la première. « Je suis fichue, hein ?» Et comme je protestais, risquant un vague badinage, « Allons donc, je me sens et je me vois !» Je tentai de l'amener à d'autres sujets. Ce fut en vain. Mon vouloir ne l'atteignit pas et sa pensée en délire suivit son cours. « Sûr que je suis fichue !» Elle disait cela d'un ton à la fois fiévreux et affirmatif qui m'étonnait d'elle, si réservée, et tous ses mouvements marquaient l'agitation la plus vive. Je fis, sans y parvenir, l'impossible pour la calmer. « Voyons, Jeanne, vous êtes guérie. Dans quelques jours vous sortirez, et les pieds devant. Jeanne, vous vous faites du mal, je vous assure. « Au trou, Jeanne, au trou !»« Soyez raisonnable, voyons !»« Ah, et puis flûte! D'abord on me l'avait prédit, que je mourrais tuée par un brin !» Je reçus un coup d'assommoir sur les yeux. Un instant je restai sans pensée. Puis, niaisement, bégayai je ne sais quelle inadmissible défense, mêlant à de sottes explications l'espoir de lui arracher l'affreuse idée. Ce fut encore elle qui me secourut. « Oh, ne vous frappez pas. Si ça n'était pas vous, c'en aurait été un autre. » Je luttai néanmoins, mais mes arguments, et je le sentis, dénotaient un souci plus personnel que je ne l'eusse voulu laisser voir. Je m'oubliai même jusqu'à tenter des justifications. Je repris l'accident, j'en reportai la cause à sa maladresse, bref, j'abondai et fis de tels éclats que la surveillante vint et me pria de les modérer. Ce rappel me consterna. J'eus honte, je m'excusai, et fis à Jeanne 1000 protestations chaleureuses. Je l'engageai à venir me trouver à sa sortie de l'hôpital, et lui promis mon appui pour tout ce qui serait nécessaire. Ensuite, comme elle était fatiguée, je jugeai qu'il serait mieux de la laisser. Aussi bien avais-je hâte de changer d'air. Je partis donc, et passai le reste du jour à m'apitoyer sur ma destinée. Il y avait matière. Paisiblement, donc, mes lamentations changèrent d'objet. Le soir, je me mis au lit réconcilié avec moi-même et plein de tendresse pour ma personne. Mon article parut vers ce temps, et je le lus avec complaisance. Il était en bonne place, et je vis là un pronostic agréable que Montesac ne tarda pas à confirmer en me proposant une collaboration régulière. Je l'acceptai. Les conditions n'étaient pas dédaignables. Si tout marchait sans accroc, je pouvais compter sur un fixe mensuel de 15 à 20 louis. Joint à mes ressources personnelles, ce supplément m'assurait le bien-être et mes façons s'en ressentir. Je taillai ma barbe, que je portais un peu longue, et fis quelques frais dans mon logis. Je me pourvus d'une bibliothèque en palissandre et exigeai de ma femme de ménage une tenue et des attentions plus en rapport avec cette opulence. Ces soins et d'autres plus urgents m'occupèrent au point que le dimanche vint plus tôt que je ne l'attendais. Dans mon agitation, j'avais une fois de plus oublié Jeanne. Je courus à l'hôpital, mais quel ne fut pas mon effroi à voir son lit occupé par une autre. Par bonheur, on me rassura. « Elle est partie hier. Vous comprenez, avec ce qu'elle a, on ne pouvait pas la garder. Il y en a tant qui attendent. » Je demandai quelques explications. Elles ne me satisfirent qu'à demi. De ses blessures proprement dites, Jeanne était guérie, au prix de cicatrices dont on se doute, mais la fièvre et les semaines de lit avaient déterminé ce qu'on craignait, une congestion pulmonaire. Le docteur, parent au plus pressé, lui avait donné les soins immédiats. Puis, ce genre d'affection ne pouvant être traité à l'hôpital, dont il immobilisait un lit aux dépens de quelques cas plus graves, on lui avait remis son exéate. L'émotion de la nouvelle, une fois calmée, j'examinai le fait et m'efforçai d'en tirer les conclusions les moins désavantageuses. Du moment que la malade était sortie, c'est que son état le permettait. Sans cela, jamais on ne l'y eût autorisé. Je n'avais pas à me montrer plus difficile que le docteur, et conclus, pour le bien de chacun, que tout irait au mieux. Puis j'attendis, pour penser de plus près à cette affaire, que le hasard m'y obligea. Peu après, je reçus de Montesac une invitation que j'acceptai avec empressement. Je commençais à sentir le besoin de me répandre un peu. Non que je fusse sans relation, seulement j'étais plus propre à conserver les anciennes qu'à m'en créer de nouvelles. J'étais curieux aussi de connaître ce milieu dont Darnac m'avait dit grand bien, et j'espérais y rencontrer quelques figures intéressantes. Je pensais l'y trouver lui-même, et comme je l'avais un peu négligé, je fus ravi de cette occasion, qui nous mettrait en présence sans qu'il y eût volonté apparente de ma part. En attendant, je passai le plus clair de mes journées à la Bibliothèque nationale, où j'amassai des notes pour une série d'articles sur la sculpture française au XIIe siècle que je comptais publier dans le Parthénon. Rentrant un soir, je trouvai ma concierge dans l'escalier. Elle me dit qu'une jeune fille montait précisément chez moi, bien qu'elle l'en eût dissuadée. À la description, je reconnus Jeanne. Je galopai 4 à 4 mes étages et la trouvai devant ma porte où, me dit-elle, elle était bien résolue à m'attendre le temps qu'il faudrait. Je la fis entrer et l'installai dans mon fauteuil. Elle était fort simplement vêtue, mais non sans goût, d'une robe de drap noir et coiffée d'un chapeau de velours maintenu par 4 épingles. Je vis avec satisfaction que ses bottines étaient neuves et ses gants immaculés. J'en jugeai ses affaires matérielles en bonne posture. Dans le jour tombant, ses yeux luisaient d'une joie enfantine, encore qu'effarés par les barbares effigies qui décoraient mon mur. Un air d'élégance correcte émanait de sa personne, et ses moindres gestes sentaient bon. Je n'en revenais pas. La lamentable mutilée de l'hôpital, c'était elle. Elle, cette jolie demoiselle enviable. Je le lui dis, et le plus galamment que je pus, ce qui la fit vite rire aux larmes, et moi par contre-coup. Les choses ainsi posées, je ne pouvais qu'insister. J'appuyai donc avec autant d'esprit qu'il m'était donné. Je me sentais léger, du poids aboli de toutes mes angoisses, et cette bonne humeur, que des mots suffisaient à déchaîner, me coûtait si peu que j'en abusais. Je renchéris donc, et mes facéties devinrent telles que, alors que sa joie éclatait le plus haut, je la vis porter brusquement un mouchoir à ses lèvres et se lever en me faisant de l'autre main un signe pressant. Sans trop savoir, je l'amenai à ma toilette. Elle s'y pencha, retira le mouchoir et un flot de sang jaillit, éclaboussant le marbre, son corsage et jusqu'à mes mains. Prise de faiblesse, elle s'abandonna. Et je la sentis choir dans mes bras. Affolée, je précipitai mes soins et mes paroles. Je l'étendis sur mon divan, je lui baignai les tempes et lui fis prendre un doigt de liqueur. Puis, multipliant mon zèle avec un peu d'incohérence, j'offris de la reconduire chez elle, de chercher le docteur et de la coucher dans mon propre lit. Un bon vouloir si diffus ne pouvait que lui causer une fatigue supplémentaire. Doucement, elle me pria de la laisser en repos, et j'y souscrivis d'autant plus volontiers que j'évitais ainsi des responsabilités dont je n'avais cure. J'allai m'asseoir dans la pièce voisine, et j'y restai, l'oreille tendue, jusqu'à ce que je l'entendisse m'appeler. Il était tard alors, et la nuit remplissait la chambre. Nous prîmes le thé ensemble, et je m'efforçai de la remonter. J'y eus peu de mal. La pauvrette ne se doutait pas de la gravité de son cas, et pour un peu se fut excusée. J'étais très émue, et le marquai par une exceptionnelle diligence. Je l'entourai, je lui passai un foulard et lui demandai l'adresse de son docteur, afin de l'aller voir le lendemain et de la recommander moi-même. Elle ne se défendait de rien, souriante déjà, mais comme l'heure avançait, elle voulut se lever. Je proposai de la ramener, elle s'y opposa formellement. De même au désir que je manifestais d'aller prendre des nouvelles à son domicile. « Non, non, je reviendrai. »« Je vous en prie, lui dis-je, et souvent, très souvent, c'est promis. »« C'est promis. » Je l'accompagnai cependant jusqu'à la rue et ne la quittai que dûment en voiture et le cocher réglé. Le lendemain, je courus chez son docteur. Il ne me cacha pas ses appréhensions, surtout après le récit que je lui fis de la scène. Je le priai de voir Jeanne chaque semaine, à mon compte, bien entendu. Il s'y engagea, et comme il avait l'air brave homme, je rentrai chez moi l'esprit un peu réconforté. Deux ou trois jours après, je reçus un mot me disant qu'une parente lui offrant asile en Bourgogne, elle y partait pour 2 mois, et passerait me dire bonjour le surlendemain, vers les 5 heures. Je fus enchantée, car je voyais à ce départ de multiples bénéfices. Pour elle d'abord, à qui je comptais bien que le grand air serait salutaire. Et pour moi, que son éloignement priverait d'une source permanente de remords. Je n'étais pas, en effet, sans avoir réfléchi sur ce dernier accident. Et, malgré toutes les arguties, la conviction de mon triste pouvoir s'était une fois de plus et plus profonde incrustée dans mon cerveau. J'étais trop faible pour lutter. L'absence de Jeanne m'aiderait peut-être, et je m'en félicitais comme d'un réconfort. Je préparai quelques friandises. À l'heure dite, elle sonnait à ma porte. Son premier souci fut de déposer sur ma table un bouquet. Pâle encore, ses prunelles, dans l'ombre douce du chapeau, brillaient d'une lueur plus chaude que de coutume. J'admirai son aisance et surtout cette réserve de bon ton qui m'étonnait chaque fois que je songeais au métier bizarre qu'elle avait choisi. Je lui parlai d'elle, de son séjour, du plaisir qu'elle aurait là-bas et du bien qu'elle en retirerait avec chaleur. Penser aux souffrances de cet être délicieux me causait une telle émotion que ma tendresse n'eut pas à feindre. L'expression en fut profondément sincère et spontanée. Des rougeurs passaient sur ses joues aux mots les plus caressants, et sa main que j'avais prise et tenait dans les miennes y palpitait comme si j'y eusse serré son propre cœur. Elle répondit à tout sur le ton convenable, et, voyant l'heure, voulut s'en aller. Je la reconduisis, le bras à la taille, en lui faisant les plus minutieuses recommandations. Comme on se quittait, je me penchai vers elle, et, pour écarter toute méprise, lui dis, du ton le plus détaché, « On s'embrasse, hein ?» et j'achevai le geste. Mais elle, haussant le front, fit qu'à sa place j'y trouvai sous les miennes 2 lèvres brûlantes qui s'y collèrent, s'y tordirent, cependant qu'à mon corps le sien se rivait d'une étreinte. À demi renversée, je cherchai l'équilibre, et fis, sans qu'elle me quittât, un pas qui nous remit dans la pièce. Crut-elle que je voulais l'y entraîner? Je ne sais. Toujours est-il qu'alors seulement elle se détacha. Je n'avais pas encore trouvé d'attitude qu'elle me saisissait de nouveau les mains, plongeait dans les miens ses yeux sombres, puis soudain s'arrachait et partait, criant un adieu qui se perdit dans l'escalier. Je rentrai, les jambes molles et bouleversées de cette aventure. J'y réfléchis la soirée et le jour suivant, et, bien entendu, versé dans les hypothèses les plus déraisonnables, sans parvenir à mettre les choses à leur point. Je m'arrêtai à ceci toutefois, qu'une telle scène ne pouvait se renouveler. Il était évident qu'entraîné par la meilleure intention, j'avais donné à mes propos une allure blâmable. Peut-être aussi Jeanne, agitée par la fièvre, avait-elle interprété faussement un geste amical, je ne sais. En tout cas, permettre la récidive eût été criminel. J'avais pour cette petite une affection profonde, et l'idée de la contrister m'eût fait horreur. Cependant, je ne me mépris pas sur mes sentiments. Il est certain que le plaisir de la sentir chez moi, si gracieuse et désirable, avait pu forcer le ton de ma galanterie. Pas une seconde, je n'envisageais qu'il fût possible d'abuser. Je résolus donc de clore l'incident. Le départ de Jeanne facilitait le programme. Je n'avais, pour le bien remplir, qu'à me laisser vivre. Bientôt, requis par mes travaux, je trouvai des soucis plus immédiats. La soirée des Montesac fut un second dérivatif, et non le moindre. À l'heure dite, je m'y rendis, bien décidé à me conduire avec adresse et pour le mieux de mes intérêts. Montesac occupait, avenue de l'Observatoire, un superbe entresol, donnant, par cette fenêtre, sur les jardins du Luxembourg. Largement éclairée, elle luisait ce soir-là comme des phares, et la file de voitures barrant la porte remplissait le quartier de claquements de portières et d'éclats. Je tombai dès le vestibule dans une telle animation que je m'y vus perdu. Je fis effort néanmoins et tentai de franchir le sextuple rang d'habits derrière lesquels je pressentais les maîtres de la maison. Dans ce bloc, quelques épaules lumineuses se mouvaient avec une lenteur calculée. Enfin j'arrivai. Montesac me fit mille protestations, colorées d'accent toulousain. Puis, avisant à sa droite Madame Montesac, que je n'avais pas encore eu le temps de voir, me présenta. « Chérie, Monsieur Jacques Verdier, tu sais bien !» Je fis mon salut et levai les yeux, mais, émerveillé d'un tel visage, le compliment me resta sur les lèvres. « Je vous connais, monsieur, entendis-je. J'ai beaucoup aimé votre article, et notre ami Darnac m'a souvent parlé de vous. Je suis heureuse que vous ayez bien voulu nous donner votre soirée. » Je bredouillai je ne sais quoi, et, pressé par le flot, me retrouvai dans son remous. Un instant j'errai, cahoté, puis je découvris une embrasure d'où je pourrais voir. Jouant des coudes, j'y cinglai et m'accrochai au rideau. Haussé sur mes pointes, alors, et le col tendu, je pus, par-delà le moutonnement des têtes, apercevoir Madame Montesac, et tout le reste me fut indifférent. Je la voyais, autant dire, pour la première fois, mais sa forme me pénétra d'un coup. De la nuque pâle, sous les nœuds de la lourde tresse, jusqu'au fin talon, je devinais son corps, le parcouru, et m'en délectais comme d'une offrande personnelle. Je compris et goûtai le grand front large et les beaux yeux pleins de douceur. J'aimais le nez, la bouche au fin coin d'ombre et le dessin du cou et l'équilibre superbe des épaules. Mon désir volait cet ensemble merveilleux. Je ne me reconnaissais plus. J'étais évadé de moi-même. Quelque chose de considérable venait de se produire, que j'acceptais dévotement. Le jet bref d'un regard avait mis bas tous mes calculs. Dédaigneux de la foule, dont la rumeur montait sans m'atteindre, je n'avais Dieu que pour cette femme, et tous mes sens convergeaient vers son masque clair. Une magie insoupçonnée dénaturait mes réflexions. Je voyais choir mes fameux plans et mes risibles stratégies, et je me laissais faire, heureux, et subissais ce cher martyr, voluptueusement. Mon passé, douloureux ou puéril, mes bonheurs étriqués, mes remords, Jeanne, l'odeur cadavéreuse de ma vie, l'avenir, tout cela enfin glissait, fondait, croulait en cascade le long de mon être comme d'un corps un linge fatigué. Tout à ses devoirs je l'observais, et le geste menu de sa tête charmante. Elle avait les épaules découvertes, sans un bijou. Parfois, dans de subites éclaircies, j'entrevoyais le haut de son corsage noir pailleté de jais où se mourait une glycine. Je dévorais des yeux ce fin profil et souriais à son sourire comme si nos destins fussent engagés. J'aurais crié de joie. Un éclair de conscience déchira brusquement ce beau rêve et me remit sur terre. J'eus la sensation brève du réel. Une glace rendit l'impudeur de mon regard. Je devinai que l'heure était de feindre et je rentrai dans la cohue, tendue pour le mensonge. Là, tout en promenant un visage impassible, je m'efforçai de réfléchir au cas et d'y voir clair. Que Madame Montessac fût jolie et me plût, cela n'avait rien d'extraordinaire. J'avais, de par le monde, rencontré suffisamment d'agréables personnes pour en être averti. Je savais ce que vaut le fameux mystère, et mes rares aventures avaient jusqu'ici passé dans le temps qu'elles avaient mis à naître. Comment expliquer alors ce désordre soudain? Comment prêter au timbre d'une voix, à l'éclair d'un coup d'œil, un tel pouvoir magnifique et désolant? Il y avait là quelque chose d'anormal et de monstrueux dont le constat m'outrait, mais contre lequel aussi j'étais sans force et démuni. Aimerais-je sérieusement, par hasard? Aimer, je ne pus m'empêcher de sourire au passage de ce mot illustre et littéraire. Aimer? Le coup de foudre alors, comme dans les romans? Pourquoi pas? Je fis appel à mes auteurs et cherchai des précédents. Le plus glorieux surgit, Roméo chez les Capulet. Parbleu, oui. Ah, que voilà bien mon affaire, et la belle figure de Jocris que j'avais à déambuler ainsi dans un bal. Je crois bien que je fus sur le point de rire. Soudain, ma gorge se serra. Madame Montessac et un monsieur, assis sur la même banquette, me barraient le passage. J'allai droit sur eux. Je perçus que la partie était sérieuse et sentis le frisson de la petite mort. « Vous errez comme une âme en peine, monsieur Verdier. Serait-ce votre ami d'Arnac que vous cherchez ? » dit-elle. « Précisément, madame, fis-je avec une facilité de bon augure. J'espère qu'il ne m'a pas fait faux bond. Voulez-vous me permettre ? » ajouta-t-elle, et, présentant, « Monsieur Jacques Verdier, monsieur Hermann Jessen. » Nous nous saluâmes. « Monsieur Hermann Jessen est un artiste. »« Oh, amateur !» dit le monsieur avec un fort accent. « Artiste et amateur ? Vous me gênez, madame !»« Mais non, mais si, et homme de goût !»« Madame, madame, que fa penser Monsieur Ferdier, qui est un critique distingué ?»« Je penserai que vous avez de la chance, monsieur. »« Là !» dit Madame Montessac. « Voyez-vous, je vous laisse faire connaissance, messieurs. D'ailleurs, voilà mon mari qui s'agite. Il faut que j'aille à son secours. » Elle se leva. Son corps sinueux ondula sous les paillettes et des soies frissonnèrent. Je suivis quelques secondes la fuite de ses hanches et revins à l'homme qui se carrait dans les coussins, l'air avantageux. À voir ses gros yeux clairs et ce masque béat, je le jugeais médiocre. D'ailleurs, sourdement, je le détestais. J'arrondis néanmoins un sourire. « Eh bien, monsieur, voici l'art et la critique en présence. » Balançoire, tout ça. Madame Montessac m'a traité d'artiste parce que j'achète de la peinture. Et parce qu'elle voulait nous coller ensemble, ça ne tire pas à conséquence. Épatante, hein? Oui, oui. Alors, vous êtes collectionneur. J'ai 64 tableaux. Matin. Peu, ça n'est pas toujours drôle. Et quel genre? Quelle époque? Genre. Ah ah. On a souvent des déboires là-dedans. Il y en a qui montent, c'est vrai, mais combien sur lesquels on ne retrouve pas son argent. Ainsi, tenez, il y a 5 ans, je me suis payé au salon, le Cornière. Vous savez bien, l'intérieur provençal, la médaille d'honneur. 32 000, monsieur. Je croyais avoir fait un coup. Savez-vous ce qu'il vaut aujourd'hui? 1 200. Vous en avez de bonnes, vous. 1 200. Dame? 6 000. On vous les offre. On n'aurait pas le toupet. Dommage, je vous aurais dit de profiter. Dites donc, c'est un bateau. Eh, à 6 000 francs, mettez-le un peu à Drouot pour voir. Je préfère attendre. Un jour ou l'autre, il refera son prix. Je vous le souhaite. 1 200, j'aimerais mieux le brûler. Une toile que j'ai payée le prix d'une automobile. Faites-vous de l'automobile, monsieur Ferdier? Non. Vous avez bien raison. J'en avais une, monsieur, tout au début. 12 chevaux, carrosserie superbe. Je m'en suis défait. Ah? À cause de mon malheur. Ah? Vous comprenez, je n'aurais plus pu. Cet homme est stupide, pensais-je, et ne lui est rien. Je serais bien sot d'en être jaloux. Ce sont des choses qui n'arrivent pas 2 fois dans la vie. Ah non, par exemple. Et d'abord, s'il fallait suspecter tous ceux qui lui adressent la parole. Rien que d'y penser, j'en ai la chair de poule. Et puis, je ne veux pas, là, je ne veux pas me laisser faire. Je me débarrasserai de cette obsession, je la vaincrai. Il y a pourtant 2 années de cela, comme le temps passe. Qu'avez-vous? Rien. J'avais cru voir sa nuque entre des habits et m'étais levée. C'est une chose dont le souvenir me hante, monsieur. Mais je n'en parle jamais. Figurez-vous que j'ai écrasé une femme, monsieur. Une femme toute jeune et jolie. Au fait, quel âge peut-elle avoir, elle? 28 ans ou plus. Son mari en porte 40. La roue d'arrière lui a brisé la colonne vertébrale. Il a fallu un cric pour la dégager. Oh, quel spectacle, monsieur! Ces gens qui m'injuriaient, et du sang partout! Oh, je donne 10 minutes à cet imbécile, pensais-je, et je vais à sa recherche. Il faut que je la revoie et que je lui parle, absolument. Une femme élégante, pourtant, une femme du monde, et avec des dessous, et d'un chic, et une peau. Vous comprenez? Il a fallu la déshabiller. Son costume était en lambeaux. J'ai tout vu, mais tout. Quel homme est-ce, Montessac? Fis-je pour couper court. Montessac? Bon garçon, pas bête, un peu fêtard. Tiens. Et nos sœurs endiablées? Vous ne le connaissiez donc pas? Si, mais pas sous ce jour-là. J'ai 60 000 francs dans son affaire. En voilà un dont le divan pourrait raconter des histoires. Tenez, cette grande blonde-là, qui parle à sa femme. Sa femme, monsieur, je dois précisément lui dire 2 mots. Voulez-vous me permettre? Comment donc? Libéré, je m'élançai, fendant les groupes, aimable quand même, et la bouche en cœur. Madame, fis-je en l'abordant, « souffrez que je vous remercie de m'avoir fait connaître M. Gessen. Il est charmant, n'est-ce pas? Tout ce qu'il y a de plus. » Elle pouffa de rire. « Je gage que vous m'en voulez. Ma sympathie lui est tout acquise, madame, s'il est de vos amis. Vous êtes taquin? Je suis très sérieux. Et que vous a-t-il raconté, ce cher homme? Une histoire de femme écrasée, je crois. Comment vous croyez? Vous n'écoutiez donc pas? faiblement. C'est très mal. J'ai pensé à autre chose. Jessen est un commanditaire de mon mari. Nous le voyons à ce titre dans certaines occasions, comme ce soir. À la bonne heure. Comment cela? Je craignais qu'il ne fût de vos intimes, oui. Pardonnez-moi cette hardiesse, madame, mais le ton de monsieur Jessen et ce que je sais de vous concordent si peu. On vous a parlé de moi. Un ami commun, oui. D'Arnac? Précisément. Peut-on savoir? Madame Montessac, m'a-t-il dit, est la plus exquise et la plus délicieuse des femmes. Je prononçai ces mots avec lenteur et les ajustai, mes yeux dans les siens, pour faire bal. Une rougeur passa sur son front. D'Arnac est un serin, je vais le gronder. Vous me permettrez de le défendre. Vous aurez du mal. Pour commencer, je le mets hors de cause et reprends son opinion à mon compte. Ça, c'est de la galanterie. N'importe, du moment que c'est pour sauver un ami. Alors, vous acceptez? Je pardonne. Et si j'insiste? Oh, oh, on m'avait dit à moi que vous étiez un homme timide. C'est être bien timide, en effet, de ne point oser dire sa pensée, et bien lâche d'en être réduite à la cacher sous celle d'autrui. Madame, fis-je avec précipitation, car je sentais l'importance de l'heure. Madame, je ne suis point si insensible au ridicule que vous pourriez croire, et j'ai conscience des sévérités que mériteraient mes propos. Comment ça? Pourquoi donc? Je trouve que vous vous exprimez très bien. Vous n'y voyez qu'un badinage de salon, et vous en riez. Mais il y a plus. Ah! Au ton de ce « ah », je sentis qu'il serait sage de mettre le frein. Hypocritement, j'obliquai. J'ai un remords, madame, un gros remords. À mon endroit? Oui, madame. J'ai eu l'honneur de vous être présentée, chez D'Arnac et par lui. Je ne sais si vous vous rappelez. Parfaitement. J'étais très occupée, un peu souffrant même, et j'ai si grossièrement manqué de tact. Envers moi? Oui, et c'est tout juste si j'ai salué. Je n'ai pas souvenir. Ah, tant mieux. Figurez-vous, madame, que depuis ce jour je vivais dans l'angoisse, rien qu'à l'idée de vous voir. Vous ne sauriez croire à quel point j'appréhendais cette soirée. J'avais peur. Peur? Peur. Que vous êtes enfant. Ce mot enfant et l'accent qu'elle y mit marquaient une détente. Je repris espoir. Et vous, comme vous êtes bonne. Oh, voilà un mot bien gros. Je le pense en toute humilité, je vous jure. Ne jugez pas vite, monsieur Verdier, et ne jurez pas. Attendez. Point n'est besoin de temps, madame. La bonté, cela se sent. Il y eut un court silence. Puis j'osai lever les yeux vers elle, et mon regard chargé croisa le sien. Ses paupières mollirent, elle ajouta. Vous êtes un véritable petit enfant. Puis, dans un sourire un peu contraint, un tout petit, petit enfant. Le thème était bon, et je l'eusse pu continuer avec fruit. La conscience de son trouble me fit en rester là. Insister pouvait tout compromettre, et l'essentiel d'ailleurs était dit. Je me levai. Une sorte de gloire m'emplissait. J'étendis vers elle une âme reconnaissante, asservie et protectrice. « Je vous accapare sottement, madame, alors que vous avez tant d'obligations. » « Mais non, c'est moi qui m'oublie. Si vous n'avez pas mieux, venez un de ces mercredis. Vous rencontrerez vos amis et nous causerons. Tôt ou tard? Tard, si vous aimez le monde. J'irai tôt. » Une fois encore, et pour une seconde, nos regards se joignirent. Puis, sans rien d'autre, nous nous séparâmes, et je refermai mon cœur, en avare, sur son pesant trésor. Je rentrai dans la foule, où, l'instant d'après, je croisai D'Arnac, dont, à ma vue, le fin visage rayonna. « Eh bien, homme mystérieux, on vous trouve enfin. Mon cher, lui dis-je, je vous ai beaucoup négligé. Aussi, pour éviter tout reproche qui me serait pénible, je prends les devants. Du fond du cœur, je m'accuse et m'excuse. N'en parlons plus. Que devenez-vous? Vous voyez, je vous ai entrevu tout à l'heure. Vous parliez à Madame Montessac. Avez-vous fait un peu connaissance? Quelques propos indifférents. Dommage, elle vaut mieux. Avez-vous remarqué la beauté de son front? Non. Et la tache du cou, c'est d'une pureté merveilleuse. Ma foi, non. Vous n'êtes pas amateur? Mais si, seulement dans tout ce monde on est bousculé. Faisons quelques pas. Volontiers. Et lui, Montessac, comment le trouvez-vous? Jusqu'à présent, quelconque. C'est un sauteur, mais pas mauvais homme. Ils ne font pas très bon ménage, je crois. Si, mais il la trompe outrageusement. Ah, la pauvre femme! Et elle? Elle, c'est une femme admirable. Quel enthousiasme! Enthousiasme justifié! Je rassemblai mes forces et d'un ton que je fis banal. Alors elle n'a pas d'amant? Vous êtes fou, mon cher! Oh, et puis ça la regarde. Dites-moi, et la sculpture? Oh, je patauge horriblement. Comme moi. La conversation continua sur ce ton, sans que nous y fissions d'autres frais. Seule, du reste, la façade de mon être participait aux choses extérieures, et les glaces, au passage, m'en renvoyaient l'image quiète. Au-dedans, mon rêve couvait sa flamme. Je fis beaucoup d'amabilités à Darnac, et fus même prolixe, ce qui l'enchanta. À Mingrel, qui pérorait dans un groupe, j'adressai un bonjour, il faut croire bien inattendu ou charmeur, car il en resta médusé, son éternel pouce en suspens. Nous fîmes ainsi plusieurs fois le tour des salons, devisant et serrant les mains au passage. Je parlais intarissablement sur tout. Deux fois je me surpris à rire, et fut même léger avec une dame à qui Darnac me présenta. Pour Gessen, sur qui je butais, je trouvais des mots d'excuse spirituels qui le congestionnèrent. Il se pendit à mes basques et voulut nous traîner au buffet. J'eusse cédé, Darnac évita. « Je ne vous savais pas si mondain, me dit-il. Vous papillonnez, ma parole, c'est une révélation. Le plaisir de vous voir. » Il daigna sourire. J'étais transfiguré. Les mots les plus vains me sautaient aux lèvres et je m'en étourdissais. De temps à autre, cependant, et pareil à l'enfant qui, pressé de voir son cadeau, entr'ouvre en chemin le paquet et jette un regard furtif, je plongeais dans mon cœur où dormait la merveille. Au bout d'une heure, Darnac, qui avait modèle le lendemain et n'aimait pas veiller, s'en alla. Je ne tardai pas à le suivre. J'avais hâte d'être chez moi, seul et dans le silence de mes murs. Porté par un tel élan, j'y fus bientôt, et, sous l'orbe adoucie de la lampe, je retrouvai le lieu d'une existence dont la médiocrité m'apparut, brutale et d'un coup. Rien n'avait changé cependant, et, dans ce sommeil qu'ont les choses la nuit, mes objets familiers demeuraient à leur place, silencieux et prêts à l'usage. Un reste de feu mourait sous la cendre. Sa lueur dorait le flanc d'un vase, et, çà et là, quelques reliures. Je vis sur ma table le travail commencé, les feuillets noirs et la plume et les notes innombrables. Je vis tous ces témoins de mon labeur et de ma foi. Leur inutilité navrante m'apparut, et celle même de ma vie et son ordre pauvre. je perçus combien grande était ma faiblesse et je m'épeurai. Le lendemain, sous l'influence d'un clair soleil, ses pensées dures s'atténuèrent. La soirée de la veille n'était pas un rêve, et ces minutes, je les avais bien vécues. J'en évoquais la grâce et l'enchantement. Les blanches épaules, les hanches souples repassèrent, et l'œil profond, et le sourire attendri. Vous êtes un tout petit enfant. À ce souvenir, mon ardeur prit bientôt force et rebondit. Je résolus de vouloir. L'énergie avec laquelle j'assurais ma cravate fut l'immédiate manifestation de cette neuve volonté. Pour parer néanmoins à des défaillances que je savais prochaines, je vérifiai l'emploi de mon temps et pris soin que pas une minute n'en demeurât inoccupée. J'étais payé pour en savoir le prix et ne craignais rien tant que le tête-à-tête avec moi-même. J'établis donc un horaire et le fis rigoureux. Quelques instants étaient chaque jour réservés à ma culture physique et je fis à cet effet l'achat d'un appareil extensible et d'haltères. Les premières semaines, j'en usai avec furie. Puis mon zèle se relâcha. Je finis par me défaire de ce matériel qui m'encombrait. Tant d'ardeur ne pouvait être stérile, et mon travail sur la sculpture française au XIIe siècle emporta les fruits. J'abattis en peu de jours une besogne considérable, et pris un tel goût à ce travail que le cadre forcément restreint dans lequel j'évoluais éclata bientôt. J'envisageais d'écrire un volume plutôt que de simples articles, et l'idée me vint d'agrémenter ce volume de reproduction. La chasse aux documents me fut alors un but, et par là même une source de distraction qui ne contribuèrent pas peu à me maintenir en équilibre. Je courus les musées, le Trocadéro, le Louvre, je voyageai, je correspondis, j'amassai des photographies, et, bien que je ne fusse guère dupe d'un tel stimulant, je conquis une humeur reposée et pus converser sans épouvante avec mon cœur. Je continuai néanmoins à fréquenter le jardin du Luxembourg. Dans un coin, je découvris un banc, d'où, par un angle calculé, je commandai les fenêtres des Montessac. Je pris l'habitude d'y porter mon travail, mais sans grand fruit, je dois le dire. De cet observatoire, je voyais passer les bonnes, se baisser les persiennes, se mouvoir les rideaux, parfois même glisser une ombre, à quoi mon imagination surchauffée ne savait donner qu'un nom. De si minces aubaines me suffisaient, et les journées qui m'en valaient quelqu'une comptaient parmi les bonnes. J'aimais solitairement, avec respect et timidité, mais mes ardeurs n'en étaient que plus vives. Rien n'autorisant à croire qu'elles dussent être couronnées, je me donnais beaucoup de fièvre sans autre effet.